Donatienne, de René Bazin. Chapitre 1er. La closerie de Rogrignon. Ils étaient assis, l'homme et la femme, en haut de la colline, sur le seuil de la ferme, la tête appuyée sur la paume des mains, lui très grand, elle très petite, tout d'un breton de race ancienne. L'ombre achevait de tomber. Une bande rouge, mince comme un fuseau, longue de bien des lieux, à peine entamée çà et là par l'ondulation lointaine des terres, laissait deviner l'immensité de l'horizon qu'ils avaient devant eux. Mais il n'en venait presque plus de lumière, ni aux nuages floconneux qui barraient le ciel, ni sur la forêt de l'Orge, dont les vallons et les côtes fuyaient en houles mêlées. Bancs de nuages dans le ciel, bancs de brume dans le pli des frondaisons, tout était orienté dans le même sens et tout dormait. Une senteur âpre, la respiration nocturne de la nuit, passait par intervalles. À la limite des bois, à 300 mètres de la maison, une lande ressemblait à une tache brune. Puis il y avait un maigre champ de blé noir moissonné, et plus près, le petit raidillon pierreux, semé de genêts, qui portait la closerie de Rogrignon. Ils étaient pauvres. L'homme avait épousé, au retour du service, une fille de marin, servante dans la paroisse d'Ifignac, qui est peu distante de celle de Pluck. Elle avait quelques centaines de francs d'économie, des yeux noirs très innocents et très vifs, sous sa coiffe aux ailes relevées en forme de fleurs de cyclamène. Lui ne possédait rien. Un soldat qui revient du régiment, n'est-ce pas? Mais c'était moins pour son argent qu'il l'avait choisi, bien sûr, que parce qu'elle lui plaisait. Et comme il était réputé bon travailleur, dur à la besogne, il avait pu obtenir à bail 4 hectares de mauvaise terre, 20 pommiers, une maison composée d'une étable où vivait la vache, d'une chambre où dormaient les gens, sous le même toit de paille épais d'1 mètre et tout brun de mousse, la closerie enfin de Rogrignon. Cependant, il payait mal. Depuis 6 ans qu'il était marié, 3 enfants lui étaient nés, dont le dernier, Joël, avait 5 mois. La mère pouvait à peine aider son mari, dans les grands jours de peine, à remuer la terre, à semer, à sarcler, à moissonner. Et l'avoine se vendait mal, le blé noir était presque entièrement consommé à la maison, et l'ombre de la forêt, les racines profondes des chênes et des ajoncs, rendaient chétives les récoltes. La nuit s'annonçait calme et humide, comme beaucoup de nuits de la fin de septembre. Dans la chambre, derrière Jean Louarn et sa femme, s'élevait le bruit régulier d'un berceau qu'une petite de 5 ans, Noémie, balançait en tirant sur une corde. Elle endormait Joël. Eux ne bougeaient pas. Les yeux vagues, on eût dit qu'ils regardaient diminuer la bande de lumière rouge au-dessus de la forêt. Des gouttes de rosée glissant sur les tuyaux de chaume tombaient sur le cou de l'homme sans qu'il y prît garde. Ils se reposaient, ouvrant leur poitrine à la brise fraîche, n'ayant point de pensée, si ce n'est le songe toujours présent de la misère, qui ne se partage plus et que chacun fait de son côté quand elle a trop duré. Le gémissement du berceau s'arrêta, et l'enfant, mal endormi, cria. La femme tourna la tête vers le fond de la chambre. « Tire donc, Noémie, pourquoi ne tires-tu pas ?» Rien ne répondit. Le bruit doux de l'osier recommença. Mais le père sortit du rêve où il était plongé, dit lentement « Faudrait vendre la vache. » « Oui, » reprit la femme, « faudra la vendre. » Ce n'était pas la première fois qu'il parlait ainsi de mener au marché l'unique bête de l'étable, mais il ne se décidait point à le faire, attendant un autre moyen de salut sans savoir lequel. « Faudrait la vendre avant l'hiver, » ajouta Louarn. Puis il se tut. Le petit Joël était endormi. Aucun bruit ne s'élevait de la closerie, ni de l'immense campagne épandue alentour. La lueur du couchant s'était faite mince comme un fil. C'était l'heure où les bêtes de proie, les loups, les renards, les martres rôdeuses, se levant des fourrés, le cou tendu, flairent la nuit, et tout à coup, secouant leurs pattes, commencent à trotter par les sentiers menus, à découvert. « Bonsoir, » dit une voix enrouée. L'homme et la femme se dressèrent en sursaut. D'instinct, Louarn avait fait un pas en avant, afin d'être entre elle et celui qui venait. Un moment, il demeura penché, fouillant l'ombre de la pente pierreuse, les bras ramenés le long du corps, prêt à lutter. Mais dans la faible tranche de lumière qui s'échappait de la porte et faisait un petit couloir à travers la brume, une tête apparut, puis un gros corps d'homme élargi par les plis d'une blouse. « Crains pas, Louarn, c'est moi, j'apporte une lettre. »« C'est tout de même pas une heure pour courir les chemins. » dit Louarn. Vous demeurez si loin, reprit le facteur. Je suis venu après la levée. Tiens, voilà. Le closier tendit la main et regarda l'enveloppe avec un rire triste. Qu'est-ce que ça lui faisait, une lettre de plus ou de moins de l'avocat Guillon, le receveur de Mademoiselle Penhoat? Puisqu'il ne pouvait pas payer, c'était de l'écriture inutile. Veux-tu rentrer? Dit-il. Veux-tu une bolée de cidre? Non, pas ce soir, une autre fois. La blouse ronde disparut après trois enjambées de l'homme, car le brouillard devenait épais. Rentrons, dit Louarn. Tandis qu'il fermait la porte et poussait le verrou de bois, luisant du bout à cause du long usage, sa femme, plus pressée que lui de savoir, enlevait de terre la chandelle fichée dans un goulot de bouteille. Elle la posa sur la table et se pencha au-dessus, les yeux brillants. « Dis, Jean, d'où vient-elle la lettre ?» Lui, de l'autre côté de la table, retourna deux ou trois fois l'enveloppe entre ses mains, l'approcha de son visage, qui était long, maigre et tout rasé, sauf un doigt de favori, près des cheveux, et ne reconnaissant pas l'écriture de maître Guillon. « Tiens, lis donc, Donatienne, ce n'est pas de lui. Moi, l'écriture moulée, ça ne me connaît guère. » Et ce fut à son tour de regarder la petite Bretonne, qui lisait vite, suivant les lignes avec un balancement de la tête, rougissait, tremblait, et finit par dire, les yeux levés, humides de larmes et souriant tout de même, « Il me demande pour être nourrice. » Louarn devint sombre, ses joues plates, couleur de la mauvaise terre blanche qu'il remuait, se creusèrent. « Qui donc ? » fit-il. « Des gens, je ne sais pas, leur nom est là, mais le médecin c'est celui de Saint-Brieuc. Et quand donc tu partirais ?» Elle baissa le front vers la table, voyant combien Louarn était troublé. « Demain matin, ils me disent de prendre le premier train. Vrai, je ne m'y attendais plus, mon homme. » L'idée leur était venue en effet, avant la naissance de Joël, que Donatienne pourrait trouver une place de nourrice, comme tant d'autres parentes ou voisines du pays, et la jeune femme était allée voir le médecin de Saint-Brieuc, qui avait pris le nom et l'adresse. Mais depuis 8 mois, n'ayant pas eu de réponse, il croyait la demande oubliée. Le mari seul en avait reparlé, une ou deux fois pour dire, au temps de la moisson, « C'est bien heureux qu'il n'ait pas voulu de toi, Donatienne. Comment aurais-je fait, tout seul ?»« Je ne m'y attendais plus, » répétait la petite Bretonne, le visage éclairé en dessous par la chandelle. « Non, vraiment, cela me fait une surprise. » Et voilà que, malgré elle, son cœur s'était mis à battre. Le sang lui montait aux joues. Une joie confuse, dont elle avait honte, lui venait de ce papier blanc qu'elle regardait maintenant sans rien lire. C'était comme une trêve à sa misère, qui lui était offerte, une délivrance des soucis de sa vie de paysanne obligée de nourrir l'homme, de s'occuper sans repos des enfants et des bêtes. Elle sentait se soulever un peu le poids de fatigue et d'ennui qui les accablait tous deux. Les histoires que racontaient les femmes de Ploeg, les gâteries dont on comblait les nourrices là-bas dans les villes, des visions rapides de linge brodé, de rubans de soie, de rouleaux d'or, la pensée d'orgueil aussi, qu'elle était envoyée par le médecin dans une grande maison de Paris. Tout cela, pêle-mêle, lui passait dans l'esprit. Elle en fut gênée, se détourna vers les deux berceaux, côte à côte, près du lit aux rideaux de serge verte, et fit semblant de border les draps de Lucienne et de Joël. « C'est vrai que ce sera triste, mon homme, mais, vois-tu, ça aura une fin. » Pas un mot ne lui répondit, et pas une ombre, autre que la sienne, ne remua sur le mur. Elle entendit deux gouttes d'eau qui tombaient dehors, du toit de chaume sur les pierres. « Et puis je gagnerai de l'argent, » continua-t-elle, « et je te l'enverrai. Ces gens-là doivent être riches, ils me donneront peut-être des brassières dont les petits ont tant besoin. » L'unique chambre de la maison fut ressaisie par l'universel silence et sembla à un moment une chose morte, écrasée comme les bois, les landes, sous la rosée lourde de cette nuit de septembre. Donatienne comprit que l'espèce de joie qu'elle n'avait pu contenir s'était effacée par degrés, qu'elle n'aurait plus dans son air rien d'offensant pour son mari, et elle regarda Louarn. Il n'avait pas bougé. La chandelle éclairait jusqu'au fond ses yeux bleus qui ressemblaient, sous la broussaille des sourcils, à un peu de brume blonde, d'où sortait un regard trouble de pauvre être perdu dans un chagrin trop grand. Il suivait les mouvements de Donatienne, sans remarquer le sourire, ni la rougeur du visage, ni la lenteur de ce manège autour des berceaux. Il la suivait avec une pensée de désespoir sans rien au-delà, comme s'il eût été une image déjà lointaine, séparée de lui par des lieux et des lieux. Les marins ont le même regard quand une voile à l'horizon descend vers l'infini de la mer. « Jean ? » dit-elle. « Jean Louarn ? » Il s'approcha lentement, faisant le tour de la table, jusqu'auprès du berceau de Joël. De Nassen était là, immobile. Il lui prit la main, et tous deux ils considérèrent dans l'ombre les enfants endormis, têtes blondes tournées l'une vers l'autre, à demi recouvertes par les pointes de l'oreiller qui se courbaient au-dessus d'elle. « Tu veilleras bien sur eux, » dit-elle. « C'est si petit. Lucienne est si futée. On ne sait pas par où elle passe, tant elle court vite. Et j'ai eu souvent peur à cause du puits. Tu recommanderas à celle qui viendra ?» L'homme fit signe que oui. « Justement, » reprit Donatienne, « j'y pensais, là. Tu pourras aller chercher demain matin Annette de Merck, au bourg de Ploeck. Elle conviendrait pour être servante, je crois. Trouves-tu cela bien ?» Les hautes épaules de Louarn se levèrent. « Que veux-tu que je trouve bien ? » dit-il. « J'essaierai. »« Et ça réussira, j'en suis sûr. Tu ne dois pas te faire trop de chagrin. Toutes celles du pays s'en vont comme moi. Même je suis resté plus longtemps que d'autres. »« 24 ans, songe donc. » Elle dit encore plusieurs phrases, très vite, des recommandations qu'il n'entendait pas, des formules de résignation qui ne consolent de rien. Puis sa voix claire de bretonne se voila. Sa poitrine se gonfla plus rapidement dans son corselet galonné de velours. Elle comprit qu'elle n'avait pas dit tout ce qu'il fallait et murmura « Mon pauvre Jean, tout de même. » Lui, il la prit par la taille, d'un seul bras, et toute petite contre lui, l'emporta sous le vent de la cheminée, à gauche, où il y avait un escabeau pour les veillées d'hiver. Il se laissa tomber sur l'escabeau et la posant sur ses genoux, ramenant le long de son épaule la tête mignonne de sa femme, comme il avait fait, elle s'en souvenait, un des premiers soirs de ses noces. Il la tint embrassée, n'ayant eu qu'un mot pour exprimer sa tendresse d'alors, et le retrouvant pour dire sa peine d'à présent. « Femme, femme !» Il ne baisait pas son visage, il ne cherchait pas même à le voir. Il l'appuyait seulement sur son cœur et enlaçait, avec sa force de géant remueur de terre, cette créature qui était sienne, et se pénétrait de cette suprême douceur d'adieu dont le temps venait d'être mesuré. « Oh, femme » répétait-il. Toute sa passion était enfermée dans cette plainte, et sa jalousie inquiète, et la pitié que lui causaient toutes ces choses éparses dans le rayonnement faible de la lumière, les berceaux, le lit, la table, le coffre aux vêtements, et jusqu'à l'étable, d'où arrivait par intervalle le bruit d'une masse lourde heurtant les planches, tout cela qui serait si triste sans elle. Au-dessus d'eux, la cheminée montait, large, noire de suie, ouverte aux brumes qui descendaient lentement. Donatienne avait essayé de se dégager, mais il ne voulait pas. Alors elle s'était laissée bercer à son tour par la peur de l'inconnu. « Si je pouvais seulement voir où tu vas, » avait dit Louarn. Ils ne le savaient pas plus l'un que l'autre. Elle partait, lui restait, et tout leur effort de mémoire, tout ce qu'ils avaient retenu des propos de la caserne ou des commérages des femmes de Ploeck, n'arrivait pas à leur donner une idée, même imparfaite, du lieu mystérieux où serait demain Donatienne, la mère de Noémie, de Lucienne et de Joël. Au bout de longtemps, la lettre qu'ils avaient abandonnée sur la table fut poussée par un tourbillon de vent et glissa. Il vit, par l'ouverture de la cheminée, que le ciel était couleur de poussière. « La lune monte au-dessus des bois, » dit-il. « Il est passé 10 heures, Donatienne. » Tous deux sortirent de dessous l'auvent, lui pour se dévêtir et se coucher, elle pour s'occuper du petit Joël qui s'éveillait. Et la nuit roula bientôt sur les 5 êtres endormis qu'enfermait Rogrignon. Ses étoiles, une à une, passèrent au-dessus des brumes qui mouillaient la forêt, au-dessus du tertre que précédait le champ moissonné, et s'en allèrent vers d'autres champs, d'autres maisons perdues parmi les landes sans nom. C'était la grande nuit, les routes désertes, les fenêtres closes, les villages rejoints, jusqu'au milieu des terres par le bruit lointain des houles. Toutes les joies humaines sommeillaient dans les âmes, et presque toutes les douleurs, et le dur souci du pain. Au large des côtes seulement, tout autour de la presqu'île bretonne, des feux de navires se croisaient dans l'ombre. Mais la terre, un moment, avait cessé de se plaindre. La closerie de Jean Louarn était muette. L'homme dormait, agité parfois d'un frisson de rêve. Donatienne, frêle près de lui et toute rose, ressemblait, quand un rayon de lune vint éclairer le lit, à ces petites figures de mariées qu'on habille de coquillages dans les pauvres boutiques là-bas.